Monsieur Corbeau, Lord Blaze. Comme un bateau cendré, posé sur l'océan, l'amour danse et s'envole à chaque vague belle. Sous l'écume des cieux s'essouffle un vieil amant qui cherchait dans son vol la divine étincelle. C'est ainsi que les mots détournés par mes gardes de leur sens imbécile, par les besoins du cœur, s'enferment sur une île aux palmiers sans douceur et explorent les mots du destin qu'ils regardent. Et explorent les mots du destin qu'ils regardent. Et explorent les mots. Sont sonores et sa jance sans gloire dans un rythme trop plein dont les pas sont comptés. Doucement s'évapore une peinture noire sous un soleil d'airain qui brillait pour aimer. Combien d'années faut-il pour pouvoir oublier la seconde infinie d'un moment sans retour où le choix fut facile entre quatre sentiers, un pour chaque agonie et un seul pour toujours. Un pour chaque agonie et un seul pour toujours. Un pour chaque agonie. De résine qui s'incruste dans l'âme. La blessure connaît le nom qu'elle s'est donné. Et malgré le pardon qu'on veut lui enseigner, elle pointe ses épines sous une peau en flamme. Sans douleur et le cri, mais pourtant il résonne. Le passé se résume en quelques choix coûteux, en quelques mots écrits, destinés à personne. En mensonge posthume, en postulat douteux. En mensonge posthume, en postulat douteux. En mensonge posthume. Ainsi pleure l'esprit sur les traînées du corps dans ses vies éphémères qu'il a laissé mourir pour savoir si l'enfer sentait vraiment le rire ou pour donner un prix à l'espoir d'être fort. Ainsi pleure l'esprit sur les traînées du corps dans ses vies éphémères qu'il a laissé mourir pour savoir si l'enfer sentait vraiment le rire ou pour donner un prix à l'espoir d'être fort. Pour donner un prix à l'espoir d'être fort. Et du temps pour cela écouter les sons et les présages qui traversent l'infini comme des chevaux d'argent, facile à conseiller, difficile à subir. Le travail est la voie du guerrier véritable, pratiquer ses alliés pour ne jamais les fuir et trouver le pourquoi des ennemis notables. Et trouver le pourquoi des ennemis notables. Et trouver le pourquoi. Ainsi sera sa joie, bien avant qu'il ne meure, par son sang et la loi, pour un présent meilleur. L'équilibre d'un roi sur un trône sans heure retournera les mois du côté de l'ardeur. Car pourtant, quelque part, au rebord de ses larmes, l'esprit pour rencontrer l'essence du combat. Le mouvement centré sur le haut et le bas, sur la voie de son art, sur le fil de ses armes. Sur la voie de son art, sur le fil de ses armes. Sur la voie de son art, sur le fil de ses armes.